Chapitre 15. Monsieur de Saint-Rémy. Nous avons dépeint la charmante figure, l'élégance exquise, la tournure ravissante de Monsieur de Saint-Rémy, arrivé la veille de la ferme d'Arnouville, propriété de Madame la Duchesse de Lucenay, où il avait trouvé un refuge contre les poursuites des gardes du commerce Malicorne et Bourdin. Monsieur de Saint-Rémy entra brusquement dans l'étude, son chapeau sur la tête, l'air haut et fier, fermant à demi les yeux, et demandant d'un air souverainement impertinent, sans regarder personne. « Le notaire, où est-il ? » « Monsieur Ferrand travaille dans son cabinet, dit le maître clerc. Si vous voulez attendre un instant, monsieur, il pourra vous recevoir. »« Comment attendre ? » ?»« Mais, monsieur, il n'y a pas de mais, monsieur. Allez lui dire que monsieur de Saint-Rémy est là. » Je trouve encore singulier que ce notaire me fasse faire antichambre. Ça empeste le poil ici. Veuillez passer dans la pièce à côté, monsieur, dit le premier clerc. J'irai tout de suite prévenir monsieur Ferrand. Monsieur de Saint-Rémy haussa les épaules et suivit le maître clerc. Au bout d'un quart d'heure, qui lui sembla fort long, et qui changea son dépit en colère, monsieur de Saint-Rémy fut introduit dans le cabinet du notaire. Rien de plus curieux que le contraste de ces deux hommes, tous deux profondément physionomistes et généralement habitués à juger presque du premier coup d'œil à qui ils avaient affaire. Monsieur de Saint-Rémy voyait Jacques Ferrand pour la première fois. Il fut frappé du caractère de cette figure blafarde, rigide, impassible, au regard caché par d'énormes lunettes vertes, au crâne disparaissant à demi sous un vieux bonnet de soie noire. Le notaire était assis devant son bureau, sur un fauteuil de cuir, à côté d'une cheminée dégradée, remplie de cendres, où fumaient deux tisons noircis, des rideaux de percaline verte, presque en lambeaux, ajustés à de petites tringles de fer sur les croisées, cachaient les vitres inférieures, et jetait dans ce cabinet déjà sombre un reflet livide et sinistre. Des casiers de bois noir remplis de cartons étiquetés, quelques chaises de merisier recouvertes de velours d'Utrecht jaune, une pendule d'acajou, un carrelage jaunâtre, humide et glacial, un plafond sillonné de crevasses et orné de guirlandes de toiles d'araignées, tel était le Sanctus Sanctorum de Monsieur Jacques Ferrand. Le vicomte n'avait pas fait deux pas dans ce cabinet, n'avait pas dit une parole, que le notaire, qui le connaissait de réputation, le haïssait déjà. D'abord, il voyait en lui, pour ainsi dire, un rival en fourberie. Et puis, par cela même que Monsieur Ferrand était d'une mine basse et ignoble, il détestait chez les autres l'élégance, la grâce et la jeunesse, surtout lorsqu'un air suprêmement insolent accompagnait ses avantages. Le notaire affectait ordinairement une sorte de brusquerie rude, presque grossière, envers ses clients, qui n'en ressentaient que plus d'estime pour lui en raison de ses manières de paysan du Danube. Il se promit de redoubler de brutalité envers Monsieur de Saint-Rémy. Celui-ci, ne connaissant aussi Jacques Ferrand que de réputation, s'entendait à trouver en lui une sorte de tabellion, bonhomme ou ridicule, le vicomte se représentant toujours sous des dehors presque niais, les hommes de probité proverbiale dont Jacques Ferrand était, disait-on, le type achevé. Loin de là, la physionomie et l'attitude du tabellion imposaient au vicomte un ressentiment indéfinissable, moitié crainte, moitié haine, quoiqu'il n'eût aucune raison sérieuse de le craindre ou de le haïr. Aussi, en conséquence de son caractère résolu, Monsieur de Saint-Rémy exagéra-t-il encore son insolence et sa fatuité habituelle. Le notaire gardait son bonnet sur la tête, le vicomte garda son chapeau et s'écria dès la porte, d'une voix haute et mordante. « Il est, par Dieu, fort étrange, monsieur, que vous me donniez la peine de venir ici, au lieu de m'envoyer chercher chez moi l'argent des traites que j'ai souscrites à ce badinot, et pour lesquelles ce drôle-là m'a poursuivi. Vous me dites, il est vrai qu'en outre, vous avez une communication très importante à me faire, soit, mais alors vous ne devriez pas m'exposer à attendre un quart d'heure dans votre antichambre. Cela n'est pas poli, monsieur. » Monsieur Ferrand, impassible, termina un calcul qu'il faisait, essuya méthodiquement sa plume sur l'éponge imbibée d'eau qui entourait son encrier de faïence ébréchée, et leva vers le vicomte sa face glaciale, terreuse et camuse, chargée d'une paire de lunettes. On eût dit une tête de mort dont les orbites auraient été remplacées par de larges prunelles fixes, glauques et vertes. Après l'avoir considéré un moment en silence, le notaire dit au vicomte d'une voix brusque et brève « Où est l'argent ?» Ce sang-froid exaspéra Monsieur de Saint-Rémy. Lui, l'idole des femmes, l'envie des hommes, le parangon de la meilleure compagnie de Paris, le duelliste redouté, ne pas produire plus d'effet sur un misérable notaire. Cela était odieux. Quoiqu'il fût en tête-à-tête avec Jacques Ferrand, son orgueil intime se révoltait. « Où sont les traites ? » reprit-il aussi brièvement. Du bout d'un de ses doigts durs comme du fer, et couvert de poils roux, le notaire, sans répondre, frappa sur un large portefeuille de cuir posé près de lui. Décidé à être aussi laconique, mais frémissant de colère, le vicomte prit dans la poche de sa redingote un petit agenda de cuir de Russie fermé par des agrafes d'or, en tira 40 billets de 1000 francs et les montra au notaire. « Combien ?» demanda celui-ci. « 40 000 francs. Donnez. Tenez, et finissons vite, monsieur. Faites votre métier, payez-vous. Remettez-moi les traites, dit le vicomte, en jetant impatiemment le paquet de billets de banque sur la table. Le notaire les prit, se leva, les examina près de la fenêtre, les tournant un à un, avec une attention si scrupuleuse et pour ainsi dire si insultante pour Monsieur de Saint-Rémy que ce dernier en blêmit de rage. Le notaire, comme s'il eût deviné les pensées qui agitaient le vicomte, hocha la tête, se tourna à demi vers lui et lui dit avec un accent indéfinissable « Ça s'est vu !» Un moment interdit, Monsieur de Saint-Rémy reprit sèchement « Quoi ? Des billets de banque faux !» répondit le notaire en continuant de soumettre ceux qu'il tenait à un examen attentif. « À propos de quoi me faites-vous cette remarque, monsieur ?» Jacques Ferrand s'arrêta un moment, regarda fixement le vicomte à travers ses lunettes, puis, haussant imperceptiblement les épaules, il se remit à inventorier les billets, sans prononcer une parole. « Mordieu, monsieur le notaire, sachez que lorsque j'interroge, on me répond !» s'écria monsieur de Saint-Rémy, irrité par le calme de Jacques Ferrand. « Ceux-là sont bons, dit le notaire en retournant vers son bureau, où il prit une petite liasse de papier timbré, auquel étaient annexées 2 lettres de change. Il mit ensuite un des billets de 1000 francs et 3 rouleaux de 100 francs sur le dossier de la créance, puis il dit à monsieur de Saint-Rémy, en lui indiquant du bout du doigt l'argent et les titres, « Voici ce qui vous revient des 40 000 francs. Mon client m'a chargé de percevoir la note des frais. » Le vicomte s'était contenu à grand-peine pendant que Jacques Ferrand établissait ses comptes. Au lieu de lui répondre et de prendre l'argent, il s'écria d'une voix tremblante de colère. « Je vous demande, monsieur, pourquoi vous m'avez dit, à propos des billets de banque que je viens de vous remettre, qu'on en avait vu de faux ?»« Pourquoi ?»« Oui. » Parce que je vous ai mandé ici pour une affaire de faux. » Et le notaire braqua ses lunettes vertes sur le vicomte. « En quoi cette affaire de faux me concerne-t-elle ? » Après un moment de silence, Monsieur Ferrand dit au vicomte d'un air triste et sévère. « Vous rendez-vous compte, monsieur, des fonctions que remplit un notaire ? » « Le compte et les fonctions sont parfaitement simples, monsieur. J'avais tout à l'heure 40 000 francs, il m'en reste 1300. » Vous êtes très plaisant, monsieur. Je vous dirai, moi, qu'un notaire est aux affaires temporelles ce qu'un confesseur est aux affaires spirituelles. Par état, il connaît souvent d'ignobles secrets. Après, monsieur, il se trouve souvent forcé d'être en relation avec des fripons. Ensuite, monsieur, il doit autant qu'il le peut empêcher un nom honorable d'être traîné dans la boue. Qu'ai-je de commun avec tout cela ? Votre père vous avait laissé un nom respecté que vous déshonorez, monsieur. Qu'osez-vous dire ? Sans l'intérêt qu'inspire ce nom à tous les honnêtes gens, au lieu d'être cité ici, devant moi, vous le seriez à cette heure devant le juge d'instruction. Je ne vous comprends pas. Il y a 2 mois, vous avez escompté, par l'intermédiaire d'un agent d'affaires, une traite de 58 000 francs, souscrite par la maison Meulaert et compagnie de Hambourg, au profit d'un William Smith, et payable dans 3 mois chez M. Grimaldi, banquier à Paris. Eh bien, cette traite est fausse. Cela n'est pas vrai. Cette traite est fausse. La maison Meulaert n'a jamais contracté d'engagement avec William Smith. Elle ne le connaît pas. Serait-il vrai ? S'écria M. de Saint-Rémy avec autant de surprise que d'indignation. Mais alors j'ai été horriblement trompé, monsieur, car j'ai reçu cette valeur comme argent comptant. De qui ? De M. William Smith lui-même. La maison Meulaert est si connue. Je connaissais moi-même tellement la probité de M. William Smith que j'ai accepté cette traite en paiement d'une somme qu'il me devait. William Smith n'a jamais existé. C'est un personnage imaginaire. Monsieur, vous m'insultez. Sa signature est fausse et supposée comme le reste. Je vous dis, monsieur, que William Smith existe, mais j'ai sans doute été dupe d'un horrible abus de confiance. Pauvre jeune homme. Expliquez-vous. En 4 mots, le dépositaire actuel de la traite est convaincu que vous avez commis le faux. Monsieur, il prétend en avoir la preuve. Avant-hier, il est venu me prier de vous mander chez moi et de vous proposer de vous rendre cette fausse traite, moyennant transaction. Jusque-là, tout était loyal. Voici qui ne l'est plus, et je ne vous en parle qu'à titre de renseignement. Il demande 100 000 francs, écus, aujourd'hui même. Ou sinon, demain à midi, le faux est déposé au parquet du procureur du roi. C'est une indignité ! Et de plus, une absurdité. Vous êtes ruiné, vous étiez poursuivi pour une somme que vous devez me payer, grâce à je ne sais quelle ressource. Voilà ce que j'ai déclaré à ce tiers porteur. Il m'a répondu à cela que certaines grandes dames très riches ne vous laisseraient pas dans l'embarras. Ah, monsieur, assez ! Autre indignité, autre absurdité, d'accord. Enfin, monsieur, que veut-on ? Indignement exploiter une action indigne. J'ai consenti à vous faire savoir cette proposition, tout en la flétrissant comme un honnête homme doit la flétrir. Maintenant, cela vous regarde. Si vous êtes coupable, choisissez entre la cour d'assises ou la rançon qu'on vous impose. Ma démarche est toute officieuse, et je ne me mêlerai pas davantage d'une affaire aussi sale. Le tiers porteur s'appelle M. Petit-Jean, négociant en huile. Il demeure sur le bord de la Seine, quai de Billy, 10. Arrangez-vous avec lui. Vous êtes digne de vous entendre. Et si vous êtes faussaire, comme il l'affirme. M. de Saint-Rémy était entré chez Jacques Ferrand le verbe insolent, la tête haute. Quoiqu'il eût commis dans sa vie quelques actions honteuses, il restait encore en lui une certaine fierté de race, un courage naturel qui ne s'était jamais démenti. Au commencement de cet entretien, regardant le notaire comme un adversaire indigne de lui, il s'était contenté de le persifler. Lorsque Jacques Ferrand eut parlé de faux, le vicomte se sentit écrasé. À son tour, il se trouvait dominé par le notaire. Sans l'empire absolu qu'il avait sur lui-même, il n'aurait pu cacher l'impression terrible que lui causa cette révélation inattendue, car elle pouvait avoir pour lui des suites incalculables, que le notaire ne soupçonnait même pas. Après un moment de silence et de réflexion, il se résigna, lui si orgueilleux, si irritable, si vain de sa bravoure, à implorer cet homme grossier qui lui avait si rudement parlé l'austère langage de la probité. « Monsieur, vous me donnez une preuve d'intérêt dont je vous remercie. Je regrette la vivacité de mes premières paroles, » dit M. de Saint-Rémy d'un ton cordial. « Je ne m'intéresse pas du tout à vous, » reprit brutalement le notaire. « Votre père est en l'honneur même. » Je n'aurais pas voulu voir son nom à la cour d'assises, voilà tout. Je vous répète, monsieur, que je suis incapable de l'infamie dont on m'accuse. Vous direz cela à monsieur Petit-Jean. Mais je l'avoue, l'absence de monsieur Smith qui a indignement abusé de ma bonne foi. Infâme Smith. L'absence de Monsieur Smith me met dans un cruel embarras. Je suis innocent, qu'on m'accuse, je le prouverai, mais une telle accusation flétrit toujours un galant homme. Après, soyez assez généreux pour employer la somme que je viens de vous remettre à désintéresser en partie la personne qui a cette traite entre les mains. Cet argent appartient à mon client, il est sacré. Mais dans 2 ou 3 jours, je le rembourserai. Vous ne le pourrez pas. J'ai des ressources. Aucune, d'avouable du moins. Votre mobilier, vos chevaux ne vous appartiennent plus, dites-vous. Ce qui m'a l'air d'une fraude indigne. Vous êtes bien dur, monsieur. Mais en admettant cela, ne ferais-je pas argent de tout dans une extrémité aussi désespérée? Seulement, comme il m'est impossible de me procurer d'ici à demain midi 100 000 francs, je vous en conjure, employez l'argent que je viens de vous remettre à retirer cette malheureuse traite, ou bien, vous qui êtes si riche, faites-moi cette avance, ne me laissez pas dans une position pareille. Moi, répondre de 100 000 francs pour vous? Ah, ça, vous êtes donc fou. Monsieur, je vous en supplie, au nom de mon père, dont vous m'avez parlé, soyez assez bon pour... Je suis bon pour ceux qui le méritent, dit rudement le notaire. Honnête homme, je hais les escrocs, et je ne serais pas fâché de voir un de ces beaux fils sans foi ni loi, impies et débauchés, une bonne foi attachée au pilori pour servir d'exemple aux autres. Mais j'entends vos chevaux qui s'impatientent, monsieur le vicomte, dit le notaire en souriant du bout de ses dents noires. À ce moment, on frappa à la porte du cabinet. Qu'est-ce ? Dit Jacques Ferrand. Madame la comtesse d'Orbigny, dit le maître clerc. Priez-la d'attendre un moment. C'est la belle-mère de la marquise d'Harville, s'écria monsieur de Saint-Rémy. Oui, monsieur, elle a rendez-vous avec moi. Ainsi, serviteur. Pas un mot de ceci, monsieur, s'écria monsieur de Saint-Rémy d'un ton menaçant. Je vous ai dit, monsieur, qu'un notaire était aussi discret qu'un confesseur. Jacques Ferrand sonna, le clerc apparut. Faites entrer madame d'Orbigny. Puis, s'adressant au vicomte, « Prenez ces 1300 francs, monsieur, ce sera toujours un acompte pour monsieur Petit-Jean. » Madame d'Orbigny, autrefois madame Roland, entra au moment où monsieur de Saint-Rémy sortait, les traits contractés par la rage de s'être inutilement humilié devant le notaire. « Eh, bonjour, monsieur de Saint-Rémy, lui dit madame d'Orbigny, combien il y a de temps que je ne vous ai vu ?»« En effet, madame, depuis le mariage de d'Harville, dont j'étais témoin, je n'ai pas eu l'honneur de vous rencontrer, dit monsieur de Saint-Clair en s'inclinant et en donnant tout à coup à ses traits une expression affable et souriante. Depuis lors, vous êtes toujours resté en Normandie? Mon Dieu, oui, monsieur d'Orbigny ne peut vivre maintenant qu'à la campagne. Et ce qu'il aime, je l'aime. Aussi, vous voyez en moi une vraie provinciale. Je ne suis pas venu à Paris depuis le mariage de ma chère belle-fille avec cet excellent monsieur d'Harville. Le voyez-vous souvent? D'Harville est devenu très sauvage et très morose. On le rencontre assez peu dans le monde, dit monsieur de Saint-Rémy, avec une nuance d'impatience, car cet entretien lui était insupportable, et par son inopportunité, et parce que le notaire semblait s'en amuser beaucoup. Mais la belle-mère de madame d'Harville, enchantée de cette rencontre avec un élégant, n'était pas femme à lâcher sitôt sa proie. « Et ma chère belle-fille, reprit-elle, n'est pas, je l'espère, aussi sauvage que son mari ?»« Madame d'Harville est forte à la mode, et toujours fort entourée, ainsi qu'il convient à une jolie femme. Mais je crains, madame, d'abuser de vos moments et... »« Mais pas du tout, je vous assure. C'est une bonne fortune pour moi de rencontrer l'élégant des élégants, le roi de la mode. En 10 minutes, je vais être au fait de Paris comme si je n'avais jamais quitté. Et votre cher monsieur de Lucenay, qui était avec vous le témoin du mariage de monsieur d'Harville. Plus original que jamais, il part pour l'Orient, et il en revient juste à temps pour recevoir hier matin un coup d'épée fort innocent du reste. Ce pauvre duc, et sa femme toujours belle et ravissante? Vous savez, madame, que j'ai l'honneur d'être un de ses meilleurs amis. Mon témoignage à ce sujet serait suspect. Veuillez, madame, à votre retour aux Aubiers, me faire la grâce de ne pas m'oublier auprès de monsieur d'Orbigny. Il sera très sensible, je vous assure, à votre aimable souvenir, car il s'informe souvent de vous, de vos succès, Il dit toujours que vous lui rappelez le duc de Lauzun. Cette comparaison seule est tout un éloge, mais malheureusement pour moi, elle est beaucoup plus bienveillante que vraie. Adieu, madame, car je n'ose espérer que vous puissiez me faire l'honneur de me recevoir avant votre départ. Je serais désolé que vous prissiez la peine de venir chez moi. Je suis à peu près campé pour quelques jours en hôtel garni. Mais si cet été ou cet automne, vous passez sur notre route en allant à quelques-uns de ces châteaux à la mode où les merveilleuses se disputent le plaisir de vous recevoir, accordez-nous quelques jours seulement par curiosité de contraste et pour vous reposer chez de pauvres campagnards de l'étourdissement de la vie de château, si élégante et si folle, car c'est toujours fête où vous allez. Madame, je n'ai pas besoin de vous dire combien Monsieur d'Orbigny et moi nous serons heureux de vous recevoir. Mais adieu, monsieur, je crains que le bourru bienfaisant, elle montra le notaire, ne s'impatiente de nos bavardages. Bien au contraire, madame, bien au contraire, dit Ferrand avec un accent qui redoubla la rage contenue de Monsieur de Saint-Rémy. Avouez que Monsieur Ferrand est un homme terrible, reprit Madame d'Orbigny en faisant l'évaporer. Mais prenez garde, puisqu'il est heureusement pour vous chargé de vos affaires, il vous grondera furieusement. C'est un homme impitoyable, mais que dis-je? Au contraire, un merveilleux comme vous. Avoir Monsieur Ferrand pour notaire, mais c'est un brevet d'amendement, car on sait bien qu'il ne laisse jamais faire de folie à ses clients, sinon il leur rend leur compte. Oh, il ne veut pas être le notaire de tout le monde. Puis, s'adressant à Jacques Ferrand, « Savez-vous, monsieur le Puritain, que c'est une superbe conversion que vous avez faite là? Rendre sage l'élégant par excellence, le roi de la mode ?»« C'est justement une conversion, madame. Monsieur le Vicomte sort de mon cabinet tout autre qu'il n'y était entré. »« Quand je vous dis que vous faites des miracles, ce n'est pas étonnant, vous êtes un saint. » « Ah, madame, vous me flattez, » dit Jacques Ferrand avec componction. Monsieur de Saint-Rémy salua profondément Madame d'Orbigny, puis au moment de quitter le notaire, voulant tenter une dernière fois de l'apitoyer, il lui dit d'un ton dégagé qui laissait pourtant deviner une anxiété profonde. « Décidément, mon cher monsieur Ferrand, vous ne voulez pas m'accorder ce que je vous demande ?»« Quelque folie, sans doute. » « Soyez inexorable, mon cher Puritain, » s'écria Madame d'Orbigny en riant. « Vous entendiez, monsieur? Je ne puis contrarier une aussi belle dame. »« Mon cher monsieur Ferrand, parlons sérieusement, des choses sérieuses, et vous savez que celle-là l'est beaucoup. Décidément, vous me refusez, » demanda le vicomte avec une angoisse à peine dissimulée. Le notaire fut assez cruel pour paraître hésiter. Monsieur de Saint-Rémy eut un moment d'espoir. « Comment, homme de fer, vous cédez ?» dit en riant la belle-mère de Madame d'Harville. « Vous subissez aussi le charme de l'irrésistible ?»« Ma foi, madame, j'étais sur le point de céder, comme vous dites. Mais vous me faites rougir de ma faiblesse, » reprit Monsieur Ferrand. Puis, s'adressant au vicomte, il lui dit, avec une expression dont celui-ci comprit toute la signification, « Là, sérieusement, » et il appuya sur ce mot, « c'est impossible. » Je ne souffrirai pas que par caprice vous fassiez une étourderie pareille. Monsieur le Vicomte, je me regarde comme le tuteur de mes clients. Je n'ai pas d'autre famille, et je me regarderai comme complice des folies que je leur laisserai faire. Oh, le Puritain, voyez-vous le Puritain, dit Madame d'Orbigny. Du reste, voyez Monsieur Petit-Jean, il pensera, j'en suis sûr, absolument comme moi. Et comme moi, il vous dira non. Monsieur de Saint-Rémy sortit désespéré. Après un moment de réflexion, il dit « Il le faut ». Puis à son chasseur, qui tenait ouverte la portière de sa voiture, à l'hôtel de Lucenay. Pendant que Monsieur de Saint-Rémy se rend chez la duchesse, nous ferons assister notre lecteur à l'entretien de Monsieur Ferrand et de la belle-mère de Madame d'Harville.